Marcel Schwab, Vies imaginaires. Catherine la Dentelière, fille amoureuse. Elle naquit vers le milieu du XVe siècle dans la rue de la Parcheminerie, près de la rue Saint-Jacques, par un hiver où il fit si froid que les loups coururent à travers Paris sur les neiges. Une vieille femme, qui avait le nez rouge sous son chaperon, la recueillit et l'éleva. Et premièrement, elle joua sous les porches avec Perronnette, Guillemette, Isabeau et Jeanneton, qui portaient de petites cottes et trempaient leurs menottes rougies dans les ruisseaux pour attraper des morceaux de glace. Elle regardait aussi ceux qui pipaient les passants au jeu de table qu'on appelle Saint-Méry. Et sous les auvents, elle guettait les tripes dans leurs baquets et les longues saucisses ballottantes et les gros crochets de fer où les bouchers suspendent les quartiers de viande. Près de Saint-Benoît, le bétourné, où sont les écritoires, elles écoutaient grincer les plumes et soufflaient la chandelle au nez des clercs, le soir, par les lucarnes des boutiques. Au petit pont, elles narguaient les haranguères et s'enfuyaient vite vers la place Maubert, se cachait dans les angles de la rue des Trois-Portes, puis, assise sur la margelle de la fontaine, elle jacassait jusqu'à la brume de la nuit. Ainsi se passa la prime jeunesse de Catherine, avant que la vieille femme lui eût appris à s'asseoir devant un coussinet à dentelle et à entrecroiser patiemment les fils de toutes les bobines. Plus tard, elle ouvragea de son métier. Jeanneton étant devenue chaperonnière, Perronnette lavandière et Isabeau gantière, et Guillemette, la plus heureuse, saucissière, ayant un petit visage cramoisi qui reluisait comme s'il eût été frotté avec du sang frais de porc. Pour ceux qui avaient joué à Saint-Méry, ils commençaient déjà d'autres entreprises. Certains étudiaient sur la montagne Sainte-Geneviève, et d'autres battaient les cartes aux trous Perrettes. Et d'autres choquaient les brocs de vin d'Auny à la pomme de pin, et d'autres se querellaient à l'hôtel de la grosse Margot, et, sur l'heure de midi, on les voyait, à l'entrée de la taverne, dans la rue aux Fèves, et, sur l'heure de minuit, il sortait par la porte de la rue aux Juifs. Pour Catherine, elle entrelaçait les fils de sa dentelle, et les soirs d'été, elle prenait le serin sur le banc de l'église, où il était permis de rire et de babiller. Catherine portait une chemisette écrue et un surcot de couleur verte. Elle était tout affolée d'atour, ne haïssant rien tant que le bourrelet qui marque les filles lorsqu'elles ne sont point de nobles lignées. Elle aimait pareillement les testons, les blancs et surtout les écus d'or. C'est ce qui fit qu'elle s'accointa à Cazin-Cholet, sergent à verge au Châtelet. Sous ombre de son office, il gagnait mal de la monnaie. Souvent, elle soupa en sa compagnie à l'hôtellerie de la Mule, en face de l'église des Mathurins. Et après souper, Cazin-Cholet allait prendre des poules sur l'envers des fossés de Paris. Il les rapportait sous son grand tabard et les vendait très bien à la Mâche-Croux, veuve d'Arnoul, belle marchande de volailles à la porte du Petit Châtelet. Et sitôt, Catherine cessa son métier de dentelière, car la vieille femme au nez rouge, pourrissait au charnier des innocents. Cazin Cholet trouva pour son ami une petite chambre basse, près des trois pucelles, et là il venait la voir sur la tarde. Il ne lui défendait pas de se montrer à la fenêtre, avec les yeux noircis au charbon, les joues enduites de blanc de plomb. Et tous les pots, tasses et assiettes à fruits, où Catherine offrait à boire et à manger à tous ceux qui payaient bien, furent volés à la chaire, ou au cygne, ou à l'autel du plat d'étain. Cazin Cholet disparut un jour qu'il avait mis en gage la robe et le demi-sein de Catherine aux trois lavandières. Ses amis dirent à la dentelière qu'il avait été battu au cul d'une charrette et chassé de Paris, sur l'ordre du prévôt, par la porte Baudoyer. Elle ne le revit jamais, et, seule, n'ayant plus le cœur à gagner d'argent, devint fille amoureuse, demeurant partout. Premièrement, elle attendit aux portes d'hôtellerie, et ceux qui la connaissaient l'emmenaient derrière les murs, sous le Châtelet ou contre le collège de Navarre. Puis, quand il fit trop froid, une vieille complaisante la fit entrer aux étuves, où la maîtresse lui donna l'abri. Elle y vécut dans une chambre de pierre, jonchée de roseaux verts. On lui laissa son nom de Catherine la dentelière, quoiqu'elle ne fît point de la dentelle. Parfois, on lui donnait liberté de se promener par les rues, à condition qu'elle rentrât à l'heure où les gens ont coutume d'aller aux étuves. Et Catherine errait devant les boutiques de la gantière et de la chaperonnière, et maintes fois elle demeura longtemps à envier le visage sanguin de la saucissière, qui riait parmi ses viandes de porc. Ensuite elle retournait aux étuves, que la maîtresse éclairait au crépuscule avec des chandelles qui brûlaient rouges et fondaient pesamment derrière les vitres noires. Enfin, Catherine se lassa de vivre close dans une chambre carrée. Elle s'enfuit sur les routes. Et, dès lors, elle ne fut plus parisienne ni dentelière. Mais semblable à celle qui hante alentour des villes de France, assise sur les pierres des cimetières, pour donner du plaisir à ceux qui passent. Ces fillettes n'ont point d'autre nom que le nom qui convient à leur figure, et Catherine eut le nom de Museau. Elle marchait par les prés, et le soir, elle épiait sur le bord des chemins, et on voyait sa moue blanche entre les mûriers des haies. Museau apprit à supporter la peur nocturne au milieu des morts, quand ses pieds grelottaient en frôlant les tombes. Plus de testons, plus de blancs, plus d'écus d'or. Elle vivait pauvrement de pain et de fromage et de son écu ailé d'eau. Elle eut des amis malheureux qui lui chuchotaient de loin « Museau, Museau !» et elle les aima. La plus grande tristesse était d'ouïr les cloches des églises et des chapelles, car Museau se souvenait des nuits de juin où elle s'était assise, en côte verte, sur les bancs des porches saints. C'était au temps où elle enviait les atours des demoiselles. Il ne lui restait maintenant ni bourrelet, ni chaperon. Tête nue, elle attendait son pain, appuyée à une dalle rude. Et elle regrettait les chandelles rouges des étuves parmi la nuit du cimetière, et les roseaux verts de la chambre carrée au lieu de la boue grasse où s'enfonçaient ses pieds. Une nuit, un ruffian qui contrefaisait l'homme de guerre coupa la gorge de Museau pour lui prendre sa ceinture. mais il n'y trouva pas de bourse.